ラジオプルサ ー。 Attention, quoi que vous vous apprêtiez à faire dans la seconde qui suit, veuillez écouter très attentivement le message qui suit. Et moi, qui je suis ? Audionaute, ce programme peut engendrer des modifications de ton état de conscience, avec un risque non négligeable d'hallucinations hypnagogiques. Liste des effets secondaires disponibles sur la page de l'émission à l'adresse URL radio-pulsar.org. N'appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence qu'en cas d'urgence. Attention, tu risques de te faire pincer très fort. Merci de votre compréhension. Hey ! Salut ! Tu écoutes Danger and Cuts sur Radio Pulsar, 95,9 MHz, à Poitiers. Et partout dans le monde grâce au streaming. Cette émission est un hypermix de musique d'Ujin performée par Nitrom the Metronome. À cause de fréquents accidents sonores, le port du casque est recommandé. Ça commence dans 3, 2... Non, attends une minute. Est-ce qu'on y va à 3 ou on fait 1, 2, 3 et on y va? It's the most beautiful, ugly sound in the world. Bonjour. At Numbers Housekeeping, we're always ready to be there for you anytime, anywhere in the world. Don't wait another minute. Wow. Call us now at +1015 in UZ1234 and let us take care of everything for you. Get up. What? Let's go!

Danger and cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. What did you call me? You fucked up! Thank you.

ガッチャマンの歌ご存知でしょうか。 は？ガッチャマンですか。ああ、わかりますけど。 教えていただけないでしょうか。 ああ、はい。邪魔命をかけて飛び出せた 花くんと日の照りだ。 飛べ 飛べ飛べガッチャマン、行け行け行けガッチャマン、 地球は一つ、地球は一つ、おーガッチャマンガッチャマン。 どうぞ。 すごい完璧です。 弟が好きだったから私も一緒に見てて、 思い切って聞いてみてよかった。もう気になって気になってぐるぐる頭の中100万回以上リピートですよ。 Danger and Cuts. C'est terminé pour ce soir. Retrouve toute l'actu de l'émission sur radio-pulsar.org. Rendez-vous mercredi 15 octobre pour de nouvelles aventures. D'ici là, fais attention, tu risques de te faire pincer très fort. Restez sur Pulsar pour écouter l'émission suivante. L'Indépendance, une émission qu'elle est très bien pour l'écouter. Bye! Thank you.